Après Shane Gauthier l'an dernier, Dolbo Mistassini a un deuxième joueur repêché par une formation de la Ligue canadienne de football. Alexandre Gagnon a été repêché par les Stampeders de Calgary récemment. Et tout le personnel et la direction de Dolbo Auto est très heureux et félicite Alexandre. Un bel exemple de ténacité et détermination pour notre jeunesse. Notre département des ventes vous invite à venir voir nos différents modèles, Sierra et Silverado, à partir de 10 500 $. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini, 418-276-0588. En attendant de parler avec William Veilleux, on va parler avec son père, Roll Veilleux, qui a vécu quand même une journée vraiment, qui devait être très émotif hier, en pleine fête des pères, et en plus, c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est là, Roll? Oui, salut, Danny. Harold, si on parlait un peu de comment tu as vécu ça. D'abord, c'est la fête des pères, c'est ton anniversaire aujourd'hui. C'est tout qu'un cadeau. Demain, c'est tout qu'un cadeau. Oui, c'était un beau cadeau. C'est assez particulier. Ouais. Je pense pas de revivre ça souvent. Okay, comment tu as vécu ça, vraiment, cette journée-là? Évidemment, tu étais parti, William est parti depuis lundi. Tu parlais tous les jours? Oui, on s'est communiqué pas mal à tous les jours par Facebook. OK. Ça a bien été. Il n'y a pas eu de problème majeur pendant la semaine. William, il était vraiment mindé. Tout ce qu'il pensait, c'était d'être prêt à sa compétition. Okay. Pendant la semaine, il s'est reposé, il s'est entraîné, il a fait un dernier entraînement. Puis il faisait attention à son alimentation parce qu'il voulait, il avait un poids à ne pas dépasser. Préparer mentalement. Comment était la bouffe? On va y parler de Mécaré, mais parce que Joël Bouillan de Gagné, son entraîneur, il a dit, lui, il a déjà été en compétition là-bas, puis il a dit, c'est compliqué, c'est pas les mêmes mœurs. La bouffe, on ne sait pas comment c'était. Lui, la chose qui lui l'a plus impressionné, c'est qu'il s'attendait de parler anglais. OK. Là-bas, c'est dans les restaurants et à l'hôtel, mais non. C'était russe. Il devait pointer lorsqu'il voulait manger un repas de poulet, il devait pointer le chicken en anglais parce que la serveuse ne parlait que russe, ne parlait pas anglais. Ça a été, lui, son premier choc, ça a été ça. Il s'attendait de parler anglais. Il s'exprime quand même assez bien en anglais. Et en réalité, là-bas, c'est russe. Là. C'est sûr qu'autour de l'hôtel, en ce moment, il y avait beaucoup de touristes, beaucoup de leveurs qui parlaient anglais. Mais ouais. C'était le temps d'interagir avec les personnes là-bas, lorsque c'était le temps de commander, aller chercher des choses à l'épicerie et tout ça, ça se faisait en russe. Il a trouvé ça assez raide au début. Là. C'est clair. Est-ce que du côté, mais dans l'ensemble, la compétition comme telle, les hôtels, tout ça, c'était quand même assez bien, les circonstances? Ah, parfaitement adéquat pour l'événement. OK. Si on parlait aussi de là-bas, le décalage horaire, ça a-tu été un facteur aussi? Pas vraiment? Oui, il m'a dit ça y a pris au moins de 2-3 jours. Là. OK. C'est les deux dernières journées qu'il a dit oui, je commence là, à me sentir bien, mais les 2-3 jours ont été très, très difficiles. OK. Si on parlait aussi du côté de. Parce que son entraîneur, c'est un entraîneur anglais. C'est sûr que c'est des thèmes quand même. Tu sais, c'est anglais, c'est sport, c'est... Mais est-ce que ça a été un problème? Non, ils ont eu des réunions ensemble, toutes les deux, pour vraiment expliquer. Là, ils ont mis quatre sur table, ils ont parlé de ses attentes, puis ils ont pu échanger d'une façon bien relaxe. Okay. Il y a des liens qui s'étaient créés avant, là, pendant la semaine. Il y a eu quelques réunions avec. Puis c'est sûr que Joël avait beaucoup pisté... à V. Silverberg, là, pour c'était quoi ses attentes. Puis William est capable de communiquer aussi en anglais. Ça n'a pas été vraiment un problème, ça, l'anglais, puis le fait aussi là, qu'il s'adapte à son coach, le coach de l'équipe Canada. OK. Toi, tu pensais-tu, comment tu as vécu ça? Parce qu'on l'a tout vécu, on l'a tout vu en direct, ce qui s'est passé, la compétition avec James English. Comment tu as vécu ça? Est-ce que tu étais certain, d'après toi, qu'il allait être capable de le lever? Parce que c'était décisif. S'il ne le levait pas, il terminait deuxième. Tu parles du dernier. Oui, effectivement. Confirmé, là. Quand j'ai vu 258 sur la barre, j'étais convaincu qu'il allait le lever. Parce que lui, c'est ton record, lui, là. Oui. Il avait déjà levé 252, mais il avait été refusé pour une petite erreur technique. Je savais qu'il était capable. Je savais qu'il était capable de lever ce bord-là parce qu'il était, il était vraiment prêt. OK. Déjà, mais là où j'étais inquiet, c'est à un moment donné, là, au début, James English, à un moment donné, a demandé la barre à 260. Et là, mais lui, à un moment donné, il a reculé parce que tu as le droit à changer deux fois ton poids dans les règlements. Là, quand j'ai vu qu'il l'a mis à 252, j'ai dit, tiens, William est gagné. Dans ma tête, c'était comme sûr. Là. Sauf qu'il peut arriver tout le temps, à un moment donné. C'est pas fait tant que c'est pas fait. Là. Ouais. Et j'étais convaincu qu'il allait lever la barre qu'il demandait. Je le connais, il a fait ça souvent. Son dernier levé pour lui, c'est un levé. Il va à la guerre, puis il va pour le tout, pour le tout. Okay. Oui, j'étais convaincu. Puis la célébration après. On s'est parlé d'ailleurs. On était avec la famille puis des amis, puis c'était vraiment. Ah ouais, ouais. Un des beaux moments de ma vie. Si on parlait un peu du côté maintenant de l'entraînement, tu l'as vu, son entraîneur ce matin dans le quotidien mentionne qu'il y a eu beaucoup de sacrifices, il y a eu des heures, beaucoup de travail derrière ça, c'est bien beau, mais c'était au cours des derniers mois, c'était pas facile. Le William travaille, en plus de ça, il va aux études, puis c'est à Jonquière, là, il s'entraîne à Jonquière. C'est pas seulement, oui, c'est pas Dolbeau, là. C'est Jonquière deux fois par semaine. Là. Oui, c'est assez. J'admire ce qu'il a fait, là. Parce que, comme à un moment donné, Joël a expliqué qu'il avait changé sa technique un peu au squat. Mais pour changer ça, là, William, il a dû se faire mal. Parce que la technique demande énormément, demande un stress supplémentaire au niveau des épaules. Okay. Puis j'ai été, moi, dans les premières semaines, je faisais faire des exercices d'étirement à William, là, puis il fallait que ça fasse mal. Là. Puis sur la barre, à chaque fois qu'il prenait la barre, je l'ai vu grimacer. À toutes les fois, il grimaçait. Ça faisait mal. Mais effectivement, le fait de changer cette technique-là faisait baisser un petit peu le levier. Puis ça l'a fait une différence, là, c'est sûr. Là. Mais il a fait des sacrifices. Puis ça. Il a payé le prix, il a souffert. Pour moi, William, là, c'est un champion. Il l'a confirmé. Il m'a confirmé c'est quoi que ça prend pour devenir un champion. Au niveau de la discipline, ça te payait des voyages deux fois par semaine à Jonquière. Oui, il travaillait. Puis, c'était pas facile. William, il a payé le prix. Il a tout donné pour essayer d'être le meilleur dans sa discipline. Puis ça s'est décidé dans un dernier levé. C'est assez remarquable ce qu'il a accompli. Tu me disais que English était assez fâché, merci. C'est parce que là-bas, à un moment donné, les jeunes, ils savaient, là, ouais. On s'attendait que le Kazakhstan était coté premier. Dès le squat, là, le Kazakhstan, on s'était aperçu que le Kazakhstan n'était pas dans le game. Mais on savait que même si William avait gagné le squat, on savait que James English était supérieur au bench press. Mais il avait comme surpassé de 7,5 kilos. Puis là, il semblerait là, que les deux jeunes, pendant la compétition, il y avait une guerre psychologique, là, tu sais, des regards, puis ils se défiaient. Puis, les personnes qui étaient présentes m'en ont parlé, puis c'était très intense. Les deux allaient, le jeune se battait aussi, les deux allaient guerre, là. Puis c'est à un moment donné, on le voit dans le vidéo, dans le live stream. Ils se lancent des regards. Là. Ils se sont échangés les mains à la fin lors de la remise des médailles, mais il paraît que le jeune, il y a eu beaucoup de misère. Parce que ça va être une rivalité, ça va sûrement être une rivalité, parce que c'était la première fois que les deux étaient ensemble. Là. Je ne sais pas s'il va se présenter là, dans la prochaine compétition. Il y a une compétition, un autre championnat mondial junior sous junior à Orlando, en Floride, à la fin septembre, je pense, ou en début septembre. C'est sûr que s'ils s'affrontent, ça va faire des flamèches. S'ils sont là toutes les deux, ça va faire des flamèches. OK. Ça va être un autre gros combat. Ben, on a bien hâte de voir ça. Ben, Harold, félicitations, évidemment. Je pense que c'est tout le monde qui sont fiers de le Boom Sisney, de la performance exceptionnelle de William. C'est bien le fun d'avoir un champion dans notre catégorie. Oui, je suis d'accord avec toi, Danny. C'est un honneur pour Dolbeau Mistassini. C'est un honneur pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que pour avoir jasé avec du monde là-bas, les Canadiens qui étaient présents... S'il y en avait plusieurs, là. Tellement fiers. Ouais, les Canadiens étaient présents. Je me suis fait envoyer des courriels puis des messages par Facebook par des Canadiens qui étaient vraiment fiers de l'exploit que William a accompli. Ce que William a accompli, c'est des personnes de Calgary, de Toronto. Eux autres, là, William, c'était un des leurs, puis c'était un ami, puis il était vraiment fier de sa performance. Ben oui, puis il y en avait beaucoup. On en a vu au moins 3-4 durant la journée là, hier. Là. C'était vraiment exceptionnel. Ben Harold, félicitations, bravo encore une fois, puis au plaisir de parler à William dès qu'il va arriver. Là, il est arrivé à Montréal aujourd'hui, je pense. Hein? Oui, il va arriver ce soir. Il va arriver à Montréal en fin d'après-midi, puis il devrait arriver chez nous ce soir tard la nuit. OK. Ben merci beaucoup, on y parle demain. Merci. Oui, Harold Veilleux, le père de William Veilleux.